السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. On va continuer ce que l'a dit Cheikh Fawzan, حفظه الله, dans son explication de l'unamaqid à l'islam. Il dit, الدرس التاسع في شرح الناقد الثامن. قال رحمه الله الثامن مظاهرة المشركين ومعاونة من المسلمين. الدليل قوله تعالى من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Donc le cheikh il va expliquer là l'annuatif, le huitième annuatif. Il a dit que le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a dit le huitième annuatif c'est le fait de prendre les polythéistes comme alliés et de secourir et les aider contre les musulmans. La preuve, c'est le verset dans Sourate Al-Ma'idah, dans lequel Allah dit Azzawajal, quiconque les prend parmi vous pour les alliés est alors un des leurs, est alors un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les injustes. Le Cheikh Fawzan, il a dit Al-Cheikh, rahimahullah, akhada naw'an wahidan min anwa'i al-mu'ala, min anwa'i mu'alat al-kuffar, wa huwa al-mu'zahara. وإلا فالموالاة تشمل محبة القلب ومظاهرة المشركين على المسلمين والثناء والمدح للكفار إلى غير ذلك. Il a dit que le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, quel est le fils de Miséricorde, il a cité un seul type parmi différents types de l'alliance avec les mécréants. Al-Muwalat, c'est-à-dire l'alliance avec les mécréants. Autrement, il y a plusieurs types. Là, il a cité Al-Muzahara, c'est-à-dire le fait de les aider et secourir contre les musulmans. Il a dit que sinon, ça englobe plusieurs choses, comme le fait de les aimer avec le cœur, ou de les aimer, ou de les secourir contre les musulmans, ou de faire leurs éloges, ou de les complimenter. Et ça, on voit que beaucoup de gens sont éprouvés par ça, à notre époque, surtout à l'époque où on est avec le monde du football, qui font l'éloge des mécréants, et ils sont éprouvés par rapport à ça. Ça, c'est très dangereux, comme disait Saman, c'est très dangereux de faire les éloges et de complimenter les kuffars, et ça peut aller loin. Donc c'est une chose à éviter complètement. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala awjaba ala al-muslimin mu'adat al-kuffar wa bughdahum wal bara'ata minhum wa hadha ma yusamma fi l'islam bi bab al-wala'i wal bara'. Il dit parce qu'Allah azza wa jalla a obligé aux musulmans de prendre les mécréants comme ennemis et de les détester, les haïr, et de se désavouer d'eux, et que ça rentre dans ce qu'on appelle dans l'islam al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, l'alliance et le désaveu, l'alliance avec les croyants et le désaveu des mécréants. فَقَالُوا مُظَاهَرَةُ الْمُشْرِكِينَ وَمُعَاوَنَةُ مَنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُعَاوَنَةُ هِيَ الْمُظَاهَرَةُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ التَّفْسِيرِ فَالْمُظَاهَرَةُ مَعْنَاهَا الْمُعَاوَنَةُ. الشيخ a dit que المعاونة المظاهرة, c'est à peu près la même chose, les deux c'est à peu près la même chose, ça signifie fait de secourir et d'aider les mouchikines contre les musulmans. Il dit tout mustadalla rahimahullah bil aya ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya ba'd ma yatawallahum minkum fa innahum minhum inna allaha la yahdi al-qawm adh-dhalimin. فقوله تعالى وما يتولهم منكم فإنه منهم دليل على كفر من فعل ذلك لأن ظاهر قوله فإنه منهم أي فهو مثلهم في الكفر. هذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله تعالى. لما يقول الشيخ il a pris comme dalil le verset de Maïda dans lequel Allah a dit عز وجل ô vous les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont les alliés les uns des autres, quiconque d'entre vous les prend pour alliés est alors un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les injustes. Et le cheikh a dit que la partie du verset où Allah a dit Azza wa Jal, وَمَا يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, c'est-à-dire celui qui les prend comme alliés parmi vous est un des autres, et l'un est alors un des leurs, Il a dit que ça c'est une preuve que c'est de la mécréance, c'est-à-dire qu'il est comme eux dans la mécréance, C'est pour ça que le cheikh a pris ce verset-là comme dalil. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُوَالَاةِ أَقْسَامٌ مِنْهَا الْمَحَبَّةُ فِي الْقُلُوبِ وَلَوْ لَمْ يُظَاهِرْهُمْ وَمِنْهَا الْمُظَاهَرَةُ وَالْمُعَاوَنَةُ وَالْمُنَاصَرَةُ وَلَوْ لَمْ يُحِبُّهُمْ وَمِنْهَا مَدْحُهُمْ وَمَدْحُ دينهم والثناء عليهم كل هذا يدخل في الموالاة وما يتولهم منكم فإنه منهم. يتولاهم بالمحبة أو يتولاهم بالمناصرة والمعاونة على المسلمين أو يتولاهم بالثناء عليهم ومدح ما هم عليه. فالآية عامة. نعم الشيخ dit que comme il a cité au début que le fait de prendre les musulmans comme alliés ça a différentes formes, c'est de différentes catégories, différents types. Ça peut être par l'amour avec le cœur, même s'ils ne les secourent pas, ça peut être par le secours et l'aide, même s'ils ne les aiment pas, ça peut aussi être par le fait de les complimenter, faire leurs éloges et de faire les éloges de leur religion. Et tout ça, ça rentre dans le verset « Omaytawallahum minkum fa'innahum minhum ». Il a dit qu'il les prend comme alliés par le cœur, par l'amour ou par l'aide ou le secours contre les musulmans ou par le fait de faire leurs éloges et de les complimenter. Donc le verset, il est général, il englobe tout ça. يوم مظاهرة الكفار على المسلمين تحتها أقسام. القسم الأول مظاهرتهم ومعاملتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال. فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة. Premièrement, il faut savoir que le fait de prendre les mécréants comme alliés de secourir contre les musulmans, ça a plusieurs catégories, c'est de différents types. Première catégorie, le fait de les aider et secourir contre les musulmans avec de l'amour, avec un amour pour leur religion. Et ce sur quoi ils sont, comme les croyances, comme l'égarement, comme polythéisme. Il a dit qu'il n'y a pas de doute que cette catégorie-là, c'est de la mécréance majeure. C'est de la mécréance majeure qui fait sortir de la religion. Donc celui qui les prend comme allier les aides et secours et qu'il aime leur religion, et bien ça c'est de la méfiance majeure. La yifamen zaharahum wa a'anam wa sa'adam ala muslim ma mahabbati dinihim wa ma hum alay wa rinda anhum wa huwa mukhtar ghayr mukrah fa innahu yakun kufran akbar mukhrijun min al-millah ala zahir qawlihi ta'ala fa innahu minhum. Donc celui qui les aide et qui les secours et qui les soutient contre les musulmans avec un amour de leur religion et qui l'agrée aussi leur religion, et qui n'est pas forcé, il n'est pas contraint, et dans ce cas-là, il dit que ce sera de la mécréance majeure, ça, de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam, parce qu'il a dit dans le verset, فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ, il fait partie de eux. الْقِسْمُ الثَّانِي أَيُعَاوِنَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَا مُخْتَارًا وَهُوَ لَا يُحِبُّهُمْ بَلْ يَكْرَهُونَهُ عَلَى ذَلِكَ بِسَبَبِ إِقَامَتِهِ بَيْنَهُمْ. فهذا عليه وعيد شديد ويخشى عليه من الكفر والمخرج من الملة. Deuxième type, deuxième catégorie, c'est le fait qu'il aide les mécréants contre les musulmans sans être d'accord, ou plutôt en étant forcé, c'est-à-dire qu'il n'a pas le choix, et de même qu'il n'aime pas leur religion, mais il a été contraint et forcé de aider les musulmans, ou plutôt d'aider les mécréants contre les musulmans, parce qu'il est avec les mécréants, parce qu'il vit chez les mécréants et qu'il est présent avec eux. Il a dit que ça, il y a une grande menace. C'est pas la mécréance, mais une grande menace. Et on craint pour lui la mécréance majeure. On craint pour lui la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Ensuite, il a dit « Dalika anna al-mushikina lamma akrahu jama'ata min al-muslimin yawma badr ala al-khuruj ma'ahum liqital al-muslimin fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ankara alayhim dalika haythu innam taraku al-hijra wa baqaw ma'a al-mushikin wa aradu anfusahum ila ma waqa'u fihi min ikrahihim ala al-khuruj ma'annahum yubghiduna din al-kuffar wa yuhibbuna din al-muslimin lakin baqaw fi makkah shuhhan bi amwalihim wa baladihim wa awladihim la al-muhabbati lil-kuffar أو لا محبة للكفار أو محبة لدينهم. نعم يعني que ça c'est comme ce qui est arrivé aux gens parmi les musulmans qui étaient restés à Mecca sans faire la hijra. Quand ils sont restés à Mecca, les mouchikines, quand il y a eu la bataille de Badr 2 ans après la hijra, ils les ont forcés à partir avec eux et à combattre avec eux contre les musulmans, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et Allah Azzawajal les a blâmés parce qu'ils sont restés, ils n'ont pas fait la hijra, ils sont restés avec les mouchikines et ils ont exposé leur propre personne à être forcés et à combattre avec les mécréants. Malgré le fait qu'ils détestaient leur religion et qu'ils aimaient la religion des musulmans, mais comme ils sont restés à Mecca par guise d'avarice de leur argent par rapport à leur argent, leurs biens et leurs enfants. Et ils ont été forcés à partir avec les mécréants et à combattre avec les mécréants contre les musulmans. Mais ils n'aimaient pas la religion des mécréants et ils n'aimaient pas non plus les mécréants. Mais malgré ça, Allah les a quand même blâmés. Azzawajal, il a dit dans le verset « Inna yatawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum » Il a dit « Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges, enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous » C'est-à-dire à propos de votre religion ou à propos de la hijra. C'est-à-dire que ces personnes-là, quand ils ont été forcés, ils sont sortis avec les mécréants pour aller combattre les musulmans et ils ont été tués. Et quand ils ont été tués, les anges ont pris leurs âmes. Les anges ont pris leurs âmes et ils ont blâmé, leur ont dit « Où en étiez-vous ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait la hijra ? Et où est-ce que vous en étiez par rapport à votre religion ?» C'est-à-dire, vous êtes avec quelle partie ? Est-ce que vous êtes avec les musulmans ou avec les mécréants ? Le cher a dit que ça c'est un blâme. Les anges les ont blâmés. Ce n'est pas une question, mais c'est pour les blâmer. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous êtes resté avec les mécréants alors que vous êtes des musulmans ? Ils ont répondu. Nous étions impuissants sur terre. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'autre solution et ils nous ont forcés et contraints à partir avec eux. Les anges ils ont dit, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? C'est-à-dire pourquoi est-ce que vous êtes restés avec les mécréants alors que vous êtes des musulmans ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait la hijra ? وعرضتم انفسكم لما وقعتم فيه في هذا المشهد المخيف او المخيف et vous êtes resté vous avez exposé vos propres personnes à être forcées dans cet état là et dans cette situation là dangereuse فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا هذا وعيد شديد لهم الليل هي اخي عز وجل فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا Il a dit que voilà bien ceux dont le refuge est le feu de l'enfer et quelle mauvaise destination. Cheikh Fazan a dit que ça c'est une menace. C'est une menace pour eux. Une menace qui est lourde. Illa al-mustada'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila wa ulaika 'asa Allahu ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants. Incapable de se débrouiller et qui ne trouve aucune voie. À ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon et Allah est clément et pardonneur. Il faut le dire à quelqu'un qui a été obligé de partir, ou qui a été obligé de ne pas partir, ou bien qui est avec les musulmans et qui a été obligé de partir avec les musulmans. C'est un châtiment sévère. Donc le cheikh a dit que celui qui laisse un hijra alors qu'il en a la capacité et qui ne fait pas le hijra, qui reste et vit avec les mouchikines, et qui ensuite il le force à sortir avec lui, ou plutôt avec eux, pour combattre les musulmans, et bien lui il a une très grande menace, Illa al-mustada'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan, sauf si ce sont des gens impuissants parmi les hommes, les femmes, les enfants, fa'ulayka ma'adurun fi baqa'im li'annahum la yastati'una al-hijra. Eux ont une excuse, parce qu'ils ne peuvent pas faire la hijra tout seuls, ils ont une excuse. فالله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها parce que Allah il a dit dans le verset qu'il n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut pas supporter Il a dit القسم الثالث من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره مع عبوده لدين الكفار وعدم الرضا عنه فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الكفر troisième catégorie c'est le fait que le musulman aide les mécréants contre les musulmans sans qu'ils soient forcés et tout en détestant leur religion. Et en n'enguerrant pas leur religion. Il a dit que ça c'est un grand péché, il n'y a pas de doute, mais ce n'est pas la mécréance. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Mais on craint pour lui la mécréance majeure. Non. Ensuite, il a dit « Al-Qism al-Rabi' Manu'in al-Kuffara al-Kuffar al-Ladina lahum ahdun inda al-Muslimin fahada haramun la yajuz » لأنه نقض لعهد المسلمين فالكفار المعاهدون لا يجوز لجميع المسلمين قتالهم وفاء بالعهد الذي بينهما بين المسلمين le quatrième type c'est celui qui aide des mécréants contre d'autres mécréants avec lesquels les musulmans ont un pacte Par exemple, si un pays musulman il a fait un pacte avec un pays mécréant, qui ne combat pas ce pays-là ou qui n'aide pas ceux qui combattent ce pays-là, si une autre personne aide un autre pays contre ce même pays-là avec lequel le pays musulman a fait un pacte, là il a rompu le pacte des musulmans, ça c'est pas permis. Ça c'est pas permis parce que s'il fait ça, il a rompu le pacte des musulmans et c'est une guise de. C'est comme de la trahison envers ces mécréants-là avec qui ils ont fait un acte et un pacte. Non, le kuffar mu'ahadun, c'est-à-dire ceux qui ont un pacte avec les musulmans, c'est pas permis de les combattre, ni d'aider ceux qui les combattent, ni d'aider ceux qui les combattent. Et ça, c'est pour tous les musulmans, par respect pour l'engagement qu'ils ont avec les musulmans et le pacte qu'ils ont fait avec les musulmans. Iwalladi yu'inu man qatalahum min al-kuffar, wa hada yakun naqdan li ahdi al-muslimin, yakun ghadran li dhimmati al-muslimin. S'il fait ça, il a rompu le pacte des musulmans et il a trahi aussi l'honneur des musulmans. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يريح رائحة الجنة. Dans le hadith, le prophète a dit que quiconque tue un kafir avec qui on a une entente de paix, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Ça, c'est une menace qui montre que ce qu'il a fait, c'est un grand péché et que c'est très grave. Mais il fait d'accord Allah Azza wa Jal quand nous les musulmans, les munasrat les musulmans, les kuffar, il a quand les kuffar ahdunin les musulmans. فكيف بمن ظاهر الكفار على نقض عهد المسلمين قال الله تعالى يستنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بين ميثاق. نعم il a dit que on doit savoir que si jamais un pays musulman demande à un autre pays musulman de l'aider, c'est obligatoire de les aider sauf dans un seul cas, ce serait dans le cas où le pays musulman demander à un autre pays musulman de combattre un pays mécréant avec lequel le pays musulman, le deuxième, a un pacte. Par exemple, un premier pays musulman a fait un pacte avec un pays mécréant. Ensuite, un deuxième pays musulman demande au premier pays musulman de l'aider pour combattre le pays mécréant avec lequel le premier pays musulman a fait un pacte. Dans ce cas-là, c'est pas permis. C'est pas permis parce que sinon, ils ont trahi leur pacte. Si un pays musulman demande à un autre pays musulman de combattre un pays avec lequel ils ont un pacte, ils peuvent pas aider ce pays, même si ce sont des musulmans, même si ce sont des musulmans. C'est ce qu'il y a dans le verset. Et s'ils vous demandent secours au nom de la région, alors à vous de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes lié par un pacte. Et Allah observe bien ce que vous faites, ce que vous œuvrez. Donc si jamais un pays musulman demande à un autre pays musulman de l'aider contre un pays avec lequel il a un pacte, il peut pas aider même si ce pays-là est un pays musulman, même si ce pays-là est un pays musulman. Et if ida istansarabina muslimun ala kuffari yajib alayna munasarat almuslimin ala kuffar illa fi hadin wahida. C'est ce qu'a dit le cheikh, que si jamais un pays musulman demande de les aider, de les secourir, c'est obligatoire pour nous de les aider, de les secourir, sauf dans un seul cas. إذا كان لهؤلاء الكفار عهد عند المسلمين فلا يجوز لنا أن ننصر المسلمين عليهم. Si jamais ce pays mécréant là contre lequel ils ont demandé de les aider pour les combattre, ils ont un pacte avec nous, on ne peut pas les aider, même si ce sont des musulmans. On ne peut pas aider les musulmans contre un pays avec lequel on a un pacte, qui est un pays mécréant. فكيف ننصر الكفار على حلفاء المسلمين فهذا أمر لا يجوز وكل هذا من أجل الوفاء بالعهد. Pareil, il a dit que si jamais ce sont des gens avec lesquels nous on a des pactes directement, on peut pas aider d'autres mécréants contre ce pays-là avec lequel on a des pactes. On peut pas aider un autre pays mécréant avec lequel un autre pays mécréant contre un pays avec lequel on a des pactes, même si ce sont des mécréants. Donc, ce qu'on retient, c'est que si on a un pacte avec un pays, on ne peut aider personne contre ce pays-là. Que ce soit des musulmans ou des mécréants, c'est pas permis de combattre ou d'aider les gens qui combattent le pays avec lequel on a des pactes. Non. Il y a une question de Khamis, « Huwa mawaddatu al-kuffar wa mahabbatu min ghayri i'anatin lahum ala al-muslimin. Hada naha Allah anhu wa nafa'a an sahibi al-iman. » قال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. Le cinquième type, c'est le fait d'aider, plutôt d'aimer les mécréants et d'avoir de l'affection avec eux et pour eux, mais sans les aider contre les musulmans. Le fait d'avoir de l'amour et de l'affection pour les mécréants, mais sans les aider contre les musulmans. Le cheikh a dit que ça, Allah Azzawajal l'a interdit. Allah Azzawajal l'a interdit ça. Et il a dit que ceux qui font ça ne font pas partie des gens de la foi, comme il a dit dans le verset. Dans cette Mujadala, tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour du jugement dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et les a aidés de son secours. وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Il a dit aussi par rapport à Ibrahim qu'Ibrahim ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite, mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, Il le désavoua. Ibrahim était certes plein de sollicitude et indulgent. D'ailleurs, à propos de son père, il a demandé pardon pour lui. Une fois qu'il a su qu'il était mécréant, qu'il n'allait pas croire en lui, qu'il n'allait jamais se convertir et rentrer dans l'islam, il s'est désavoué de lui. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إلى قوله قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Dans le verset dans sourate Mujadala, Allah a dit: Ô vous les croyants, ne prenez pas pour alliés mon ennemi et le vôtre en leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité, jusqu'à ce qu'il ait dit, certes vous avez un bon exemple à suivre en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous, vous et ceux que vous adorez, en dehors d'Allah, nous vous renions entre nous et vous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Et le cheikh a dit que cette sourate-là est elle parle de ça, du fait de se désavouer des mécréants, Il fait soit mumtahina kulluha fi tahrim mawaddati al-kuffar walau kanu min aqrab an-nas ila al-muslim. Il a dit que soit mumtahina, elle parle de ça du début jusqu'à la fin, du fait que c'est interdit d'avoir de l'affection et de l'amitié envers les mécréants, et même si ce sont les gens les plus proches du musulman. Ensuite, il dit, وَخَتَمَهَا بِقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ. فَكُلُّ سُورَةٍ مُمْتَحِنَةٍ فِي مَوْضُوعِ مُعَادَاةِ الْكُفَّارِ وَعَدَمِ مَحَبَّتِهِمْ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا. Il a dit que la sourate a été clôturée par le verset dans lequel Allah a dit son interlocution rapprochée. Ô vous, les croyants, ne prenez pas comme alliés les gens contre lesquels Allah s'est courroucé et qui désespèrent de l'au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre comme alliés les juifs. Gaïk Soud Moutahina, ça parle de ça, du fait qu'on doit prendre les mécréants comme ennemis et qu'on ne doit pas les aimer du début jusqu'à la fin. Ensuite, le Cheikh a dit, Cheikh Fawzan, Hafidallah, Wahuna Masa'il. Gaïk, il a plusieurs points à citer. الأولى مسألة حكم زواج الكافر من المسلمين. Le premier point, c'est le jugement du fait qu'un mécréant se marie avec une femme musulmane. Du fait qu'un mécréant, un homme mécréant se marie avec une femme musulmane. Et il la يجوز أن يزوج كافر من مسلمة سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو دهريا ملحدا. لا يجوز إطلاقا تزويج الكافر من المسلم لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. Il a dit que c'est pas permis de marier un homme mécréant à une femme musulmane, peu importe que ce soit un juif ou un chrétien, ou un athée ou autre. C'est pas permis dans aucun cas de marier un homme mécréant avec une femme musulmane, suite au verset dans Sourate Baqara, dans lequel Allah l'a dit, Azzawajal, et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante, car cela invite au feu, tandis qu'Allah invite, de par sa grâce, au paradis et au pardon. Il a dit, Hey, la tuzawijuhum min al-muslimat hatta yu'minu. C'est-à-dire, vous ne devez pas les marier avec les femmes musulmanes jusqu'à ce qu'ils aient la foi qu'ils se convertissent. فإذا تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام جاز تزويجهم من المسلمات. Si jamais ils délaissent la mécréance et qu'ils se convertissent et qu'ils rentrent dans l'islam, dans ce cas-là, c'est permis de les marier avec les femmes musulmanes. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فمتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. Il a dit par rapport aux femmes, ô vous les croyants, quand les croyantes, les femmes croyantes viennent à vous en émigré, éprouvez-les, c'est-à-dire mettez-les à l'épreuve pour tester leur foi. Allah connaît mieux leur foi. Et si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants, c'est-à-dire ne les renvoyez pas à leurs maris qui sont mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour eux. Et eux non plus ne sont pas ici en tant qu'époux pour elles. Non. Le cheikh l'a dit, « فَإِذَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْكُفَّارِ لِأَنَّهُ قَدْ فَصَّلَ مَا بَيْنَهُمْ وَفَصَّلَ النِّكَاحُ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرِ. » Et si jamais on apprend que ce sont des femmes musulmanes et qu'ils ont la foi, on ne doit pas les renvoyer à leurs maris qui sont des mécréants, parce que ce qu'il y a entre eux, ça s'est brisé, et le mariage entre eux, il s'est annulé, entre la femme musulmane et le mari mécréant. Ok, d'ailleurs, il y a juste la yuzawaj ou le kafiru min al muslima ibtida'an, comme dans l'ayat al-Baqara. Ou la tunkihim mushikina hatta yu'minu. De même que, on ne doit pas les marier de base, les hommes mécréants avec des femmes musulmanes. Comme c'est dans le surat Baqara, dans le verset, qui a cité le cheikh, qu'on ne doit pas marier les hommes mushikines, les polythéistes, jusqu'à ce qu'ils aient la foi. ولا يستمر زواجه إذا أسلمت وهو كافر بل تفصل عنه. Et si jamais ils sont mariés, dès que la femme se convertit à l'islam, eh bien leur mariage il sera annulé, il ne sera pas valable et on les séparera. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فلا يجوز إنكاح الكافر من المسلمة ابتداء أو سدامة هذا أمر مجمع عليه بين العلماء. Il a dit que c'est pas permis de marier un homme mécréant avec une femme musulmane, que ce soit de base ou le fait de laisser leur mariage comme il est, tel qu'il est, après que la femme se soit convertie à l'islam. Si jamais ils ne sont pas mariés, on ne peut pas les marier de base. Si jamais ils ne sont pas mariés, on ne doit pas les marier de base. On ne doit pas marier l'homme mécréant avec une femme musulmane. Et si jamais ils sont mariés, si la femme se convertit à l'islam, dans ce cas-là, leur mariage sera annulé. Et Cheikh a dit que ça, c'est un consensus. C'est un consensus, un ijma, des savants. Il n'y a pas de divergence par rapport à ça. أما تزوج المسلم من كافرة إن كانت كافرة إن كانت الكافرة غير كتابية أو غير كتابية فلا يحل بالإجماع لقوله تعالى لا تنكح المشركات حتى يؤمن. Par contre, le fait que l'homme musulman se marie avec une femme mécréante qui n'est pas parmi les gens du livre, il a dit que ça aussi c'est pas permis, ça aussi ce n'est pas permis, et ça c'est un consensus aussi, les humains, des savants. Comme c'est dans le verset, dans le Baqara, même verset, il a dit de ne pas épouser les femmes mouchikates, ni polythéistes, jusqu'à ce qu'elles aient la foi, qu'elles se convertissent. Ensuite, le Cheikh a dit « Illa nahu yustathna min hadhihi al-aya tazwij aw tazawwuj al-muslim min kitabiyya min al-kitabiyya وخص أمومها أو أمومها مخص أمومها بآية المائدة مخص أمومها بآية المائدة وهي قوله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمراد بالطعام هنا ذبائحهم. نعم لذلك la seule exception c'est que c'est permis pour l'homme musulman de marier une femme parmi les gens du livre. Ça a été cité dans le verset de Sourate Maïda, dans lequel Allah a dit, son temps ils sont rapprochés. Aujourd'hui, les bonnes nourritures sont permises pour vous, et vous est permise la nourriture des gens du livre, c'est-à-dire ceux qu'ils ont égorgés. Le cheikh a dit que la nourriture ici, ça veut dire ceux qu'ils ont égorgés comme viande. Ensuite, il a dit, de même que ce que vous avez égorgé comme viande, c'est permis pour eux. Vous sont permises aussi les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous, c'est-à-dire ceux qui ont eu le livre avant nous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens. Al-muhsanat, ici, ça veut dire celles qui sont chastes et vertueuses par rapport à leur honneur, par rapport à leur honneur. Ça, c'est permis de les marier pour les hommes musulmans. Le cheikh a dit, amma al-fasida fi 'irdiha fala yajuzu at-tazawwuju biha sawa'un kanat kafira aw muslima. Et par contre, la femme qui n'est pas chaste par rapport à son honneur, qui n'est pas vertueuse, il a dit, c'est pas permis de la marier. Ce n'est pas permis de la marier que ce soit une musulmane ou que ce soit une mécréante. لقوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين dans le verset de Sourate An-Nur Allah l'a dit Azza wa Jal sur la traduction rapprochée le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et cela a été interdit aux croyants. Il a dit فَأَبَاحَ تَزَوُّجُ الْمُسْلِمِ فَأَبَاحَ تَزَوُّجَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرَ شَرْطَيْنِ. Il a dit ainsi, c'est permis pour le musulman de marier une femme mécréante, mais à deux conditions. الأول أن تكون عفيفة في عرضها غير مسافحة ولا متخذة أخدان. والثاني أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية. Première condition, c'est que ce soit une femme chaste et pieuse et vertueuse par rapport à son honneur, comme elle a dit, qui ne soit pas une femme qui pratique la turpitude de façon cachée ou apparente, ou qui prend des amants. Et la deuxième, c'est qu'elle soit parmi les gens du livre, soit parmi les juifs ou parmi les chrétiens. Il a dit, فَيَحِلُّ لِلْمُسْلِمَ يَتَزَوَّجَهَا لَكِنْ قَدْ يُقَالْ مَعْلُومٌ مَا يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْمَوَدَّةِ. قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة فكيف يتزوج كتابية كافرة ويودها فهل يجوز مودة المسلم للكافرة مع قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. Il a dit c'est permis pour le musulman de marier une femme parmi les gens du livre, comme il a dit, mais on peut se demander comment est-ce que c'est possible alors que Allah Azza wa Jalla il a dit qu'il a mis entre l'homme et la femme de la pitié et de la bonté. Il a dit, est-ce que c'est permis alors de marier une femme mécréante et d'avoir de l'amour et de l'affection pour elle? Et est-ce que c'est permis d'avoir de l'affection envers les mécréants et de la pitié envers les mécréants alors qu'Allah a dit dans le verset Azariel, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Cheikh a dit, فنقول مودة الزوجية مودة تبعية لأجل الزوجية أما المودة الدينية فلا تجوز. Il a dit que la réponse c'est que l'affection et l'amour qu'il y a entre l'homme et la femme, ça c'est quelque chose de naturel, تبعية, par rapport au mariage, c'est lié avec le mariage. Alors que l'amour qui a un rapport avec la religion, c'est ça qui est interdit. L'amour qui a un rapport avec la religion, qui est lié à la religion de la personne, c'est ça qui est interdit. Ça c'est pas naturel. Ça c'est lié à la religion. Par contre, ce qui est permis, c'est l'amour qui est entre l'homme et la femme. Ça c'est quelque chose de naturel. Ça n'a pas de rapport avec la religion. الثانية مسألة مكافأة الكفار إذا أحسنوا إلينا. La deuxième chose, deuxième point qu'il a cité cher, c'est le fait de récompenser les mécréants lorsqu'ils font du bien aux musulmans. Il a dit مكافأة الكفار إذا أحسنوا إلينا لا محبة لهم إنما نكافئهم على صنيعهم فقط. C'est-à-dire qu'on les remercie seulement pour ce qu'ils ont fait, mais pas par amour. On ne fait pas ça par amour pour eux. Dans le verset, il a dit قال تعالى لا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Le verset a dit, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Certes, Allah aime les équitables. Allah aime les équitables. Le Cheikh a dit, فَإِذَا كَانَ الْكُفَّارُ لَمْ يُقَاتِلُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُعِينُوا مَنْ قَاتِلُهُمْ وَكَانَ لَهُمْ يَدٌ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ يُكَافِئُونَهُمْ عَلَى إِحْسَانِهِمْ. Et si jamais les mécréants ne combattent pas les musulmans et qu'ils n'aident pas non plus ceux qui les combattent, et qu'ils ont fait des bonnes choses, ils ont un bienfait qu'ils ont fait aux musulmans, dans ce cas-là, les musulmans les remercient pour leur bien qu'ils ont fait. Ils les remercient pour le bien qu'ils ont fait. إذا الإسلام يحث على الإحسان ورد الجميل لئلا يبقى للكافر المسلم منا. Il dit que la religion de l'islam, elle appelle et elle encourage à être bienfaisant et à rendre l'appareil aux gens qui font du bien. Surtout pour pas que le kafir, le mécréant, ait quelque chose, un bienfait qui puisse citer aux musulmans. Il veut dire que je t'ai fait ça comme bien ou que je t'ai fait ça comme bonne chose. Donc on le remercie. Et deuxièmement, on fait ça aussi pour pas que il ait un bienfait qui puisse citer aux musulmans et par le biais duquel il puisse se vanter et citer ce qu'il a fait de bien aux musulmans. ففي رده الجميل فوائد منها أن هذا ترغيب لهم في الإسلام إذا تعاملنا معهم معاملة حسنة وهم لم يقاتلونا ولم يعينوا من يقاتلنا فإذا تعاملنا معهم معاملة حسنة فهذا سبب في دعوتي من الإسلام. Il a dit que le fait de les remercier et de leur envoyer l'appareil, il y a plusieurs bienfaits dans ça, plusieurs فوائد. Premièrement, c'est que ça les invite et ça les encourage à rentrer dans l'islam. Ça les encourage à rentrer dans l'islam. Et que si jamais on se comporte avec eux d'un bon comportement, d'une bonne façon, et qu'ils ne combattent pas, et ils n'aident pas non plus ceux qui nous combattent, ça peut être une cause pour les appeler à l'islam. Ça peut être une cause pour les appeler à l'islam. ومنها أن هذا مكافأة أو مكافأة على جميل على جميل صنعه مع المسلمين. ومنها أيضا أنه لا يبقى لهم يد على المسلمين. فإذا كافأناهم على جميلهم نقول أعطيناكم كما أعطيتمونا لم يبقى لكم يد تذلوننا بها. Il a dit que ça, parmi les فوائد aussi, le fait que ça c'est une récompense par rapport à ceux qui ont fait du bien pour les musulmans. De même que, comme il a dit le cher, c'est que si jamais on les remercie par rapport à ce qu'ils ont fait, ils n'auront plus de bienfaits, ils n'auront plus de quoi se vanter par rapport aux musulmans, ils n'auront plus de quoi se vanter devant les musulmans. Et si jamais ils disent qu'ils ont fait quelque chose de bien, on leur dira, vous nous avez donné, on vous a donné aussi pareil, comme vous nous avez donné. Donc il n'y a plus rien qui reste, de sorte à ce que vous nous avilissiez et que vous nous assujettiez. Ensuite il a dit, المسألة الثالثة المعاملة الدنيوية مع الكفار كتبادل التجارات والمنافع فهذا أمر مباح. ما زال المسلمون يستوردون من الكفار السلع منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشترون منهم الثياب والمواشي والأسلحة وغير ذلك وغير ذلك. هذا ليس من الموالاة بل من تبادل المنافع والمصلحة للمسلمين أو المصلحة للمسلمين وليس فيه مودة لأنه بيع وشراء. Troisième point, c'est les transactions commercial, tout ce qui a rapport avec Dunia, avec les mécréants, comme le fait de faire du commerce avec eux, Tijara, et du commerce. Il a dit que ça c'est quelque chose de permis, c'est quelque chose de permis et pas de mal, et que les musulmans n'ont pas cessé de acheter des mécréants, des marchandises, et des habits, et des bêtes, et des armures, ainsi de suite, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est décédé, il avait acheté quelque chose à des juifs et il avait laissé en gage son armure. Et il est décédé, son armure a été chez ces juifs-là. Donc il faisait du commerce avec les juifs, et ça c'est connu, qu'il achetait beaucoup de choses avec eux, avec les gens de Mecca aussi, de façon générale. Donc c'est quelque chose de permis. Il a dit que ça ne rentre pas dans le fait de les prendre comme alliés. Mais c'est plutôt le fait de s'échanger les bienfaits et du commerce, et que ça, c'est un intérêt qui revient aux musulmans. C'est un intérêt qui revient aux musulmans. C'est dans l'intérêt des musulmans. Il n'y a pas d'amour dans ça. C'est juste de la vente et de l'achat. Ça veut dire de la vente. Juste de la vente et de l'achat. Ensuite, il a dit Al-Mas'alatu al-Rabi'a yajuzu lil-muslimin istikhdamu al-kuffari fi al-umur allati la yahsunuha aw la yahsunuha illa hum. ويجوز أن نستفيد من خبراتهم التي لا يعرفها إلا هم أو أنهم أتقنوا لها وأعرفوا بها. ويجوز أن نستأجرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن ريقيت ليدله أو ليدله على الطريق وهو كافر، ففي دليل على استئجار الكافر للاستفادة من خبرته، لأنه يقدم لنا خدمة ونقدم له أجرة، فهو مثل البيع والشراء في المنافع التي نحتاجها. Quatrièmement, c'est le fait que c'est permis pour les musulmans d'engager les mécréants dans les choses qui sont ceux qui maîtrisent le mieux ou qu'il n'y a que eux qui maîtrisent. Et c'est permis qu'on profite de leurs connaissances et de leur expérience dans les choses qui maîtrisent eux ou qui sont eux qui maîtrisent le plus ou qu'il n'y a que eux qui maîtrisent vraiment. D'ailleurs, la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a engagé une personne qui était mécréant, qui s'appelle Abdullah bin Urenkit, pour lui montrer le chemin quand il a fait la hijra. Parce que c'est connu que quand il a fait la hijra, les mécréants de Mecca, de Quraysh, ils ont envoyé des gens, ses troupes, pour le chercher, le récupérer, le ramener. Donc du coup, il a été obligé de prendre un chemin qui n'était pas connu. Il a alors engagé un chrétien qui connaissait bien le chemin qui était caché, et il l'a ramené jusqu'à Médine. Il l'a ramené jusqu'à Médine sans qu'il soit trouvé. Donc le prophète, il a engagé cette personne-là qui était un mécréant et il lui a donné une somme d'argent où il a payé pour son service. Donc j'ai dit que ça s'est permis qu'on les prenne, les mécréants, qu'on les engage pour profiter de leurs connaissances parce qu'ils nous donnent un service et nous, on leur donne en retour une somme. On les paye suite à ce service-là, ça c'est permis. Il a dit c'est comme de la vente et de l'achat. C'est comme de la vente et de l'achat. Il n'y a pas de mal dans ça. Al-Mas'alatu al-Khamisa Birru al-Walid al-Kafir. Le cheikh il a dit que le cinquième point, c'est le fait d'être bienfaisant envers les parents, le père et la mère lorsqu'ils sont des mécréants. Qala ta'ala La tajidun qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Donc il a dit ensuite فالموادتو لا تجوزو بين الكافر المسلم قال تعالى ما يتولهم منكم فإنهم منهم لو كان والدا أو أخا أو قريبا لكن يبر بالولد المسلم بوالده الكافر من باب رد الجميل ومقابلة الإحسان بالإحسان. Le cheikh a dit que c'est pas permis d'avoir de l'amour et de l'affection envers les mécréants, entre les musulmans et les mécréants. Comme il est dans le verset dans Sourate Mujadala, tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour du jugement dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il a dit que c'est pas permis d'avoir de l'affection et de l'amour pour les mécréants, même si c'est son père ou son frère ou quelque chose de proche ou quelqu'un de proche de sa famille. Comme il est dit dans le verset dans Sourate Maïda, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Celui qui prend comme allié parmi vous, il fait partie de eux. Mais il a dit que par rapport au père, aux parents, l'enfant musulman, il doit être bienfaisant envers son père. Et ça, c'est par rapport à remerciement, le fait de lui renvoyer et de le remercier par ce qu'il a fait de bien pour lui. C'est-à-dire remercier la bienfaisance par de la bienfaisance pareil. L'islam ou dinu karamin wafa'in wa min dhalika birru al-walid aw al-walad al-muslim birru al-walad al-muslimi bi walidihi al-kafir. Donc l'islam c'est une religion qui appelle à être loyal et à renvoyer l'appareil et à remercier les gens. Et parmi ça, il y a le fait que l'enfant musulman, il remercie et il soit bienfaisant envers son père, même si c'est un mécréant. Et il dit, قال الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه أمه حملته أمه وهنا على وهن فصال في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Merci à l'Élaï, sur la traduction rapprochée, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine, son sévrage a eu lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi les destinations. Et si tous deux te forcent à m'associer ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Le cheikh a dit, « الولد يصاحب والديه بالمعروف ويحسن الصحبة بالإنفاق عليهما وبقضاء حوائجهما. » Il a dit que l'enfant musulman, il doit rester avec ses parents et se comporter de façon convenable avec eux, et avoir un bon comportement avec eux, et dépenser pour eux, et s'occuper de leurs besoins. « ولو كان والده كافرا لأن هذا من باب رد الجميل صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. » Même si c'est un mécréant, ça c'est, comme on a dit, se rendre dans ce qui est remerciement, le fait de rendre l'appareil, de remercier et de renvoyer la bienfaisance qu'il lui a fait. Le verset, il a dit, « Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. » Ensuite, il a dit, « Et suis les sentiers de ceux qui se tournent vers moi. » « Aïe fiddin, et tabi' al-rasoul, wa la tabi' dina walidayka, lakinna li'annahuma ahsana ilayka wa rabbayaka wa anfaqa alayka fa anta taruddu jamilahuma. » Il a dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la religion, tu ne suis pas tes parents. Ça veut dire que tu ne suis pas tes parents dans la religion. Tu suis la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas celle de tes parents. Mais par contre, comme ils ont fait du bien pour toi et qu'ils t'ont tous les deux élevé et qu'ils ont tous les deux dépensé pour toi, et bien toi, tu leur rends ça, et même si ce sont des mécréants. Il a dit, وقد جاءت أسماء أو أم أسماء بنت أبي بكر وهي كافرة تطلب منها المساعدة فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي جاءت وهي راغبة أي تريد العطاء أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم سلي أمك. Il a dit que Asma, sa mère est venue, Asma sa fille d'Abi Bakr, As-Siddiq, sa mère elle est venue et a été mécréante. Elle a demandé de l'aide à sa fille Asma bint Abi Bakr, qu'elle a les arrêts tous. Et Asma, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je lis les liens avec ma mère? Et c'est connu que Asma, elle n'avait pas la même mère qu'Aïcha. Elle a le même père qu'Aïcha, mais pas la même mère. La mère d'Aïcha, c'est Umm Rumman. Et Asma, sa mère, c'était une autre personne qui n'était pas musulmane. Donc elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que elle lit les liens avec sa mère? Le prophète a dit na'am sili ummaki. Il a dit na'am, lis les liens avec ta mère, parce que c'est quand même ta mère. Faftaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bian tasila ummaha wa hiya kafira wa laysa hadha min bab al-mawaddati wal-muhabbati ad-diniyya innama huwa min bab rad al-jamil ila al-walid alladhi rabbaka wa ahsana ilayka wa hadha min bab at-ta'amuli ad-dunyawi amma ta'amul أم تعامل الدين بالمحبة والمناصرة والمعاونة فلا. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit de lier les liens avec sa mère malgré qu'elle était mécrante. Et ça ne rentre pas dans l'alliance et l'amour par rapport à la religion, mais c'est plutôt le fait de la remercier et de lui rendre ce qu'elle a fait comme bien en l'élevant, en étant bienfaisante aussi envers elle. Et ça, c'est tout ce qui est en rapport avec le comportement d'un dunya, ou plutôt ce qui est lié avec la vie d'ici-bas, avec dunya, c'est pas lié avec la religion. C'est pas lié avec la religion, ni avec l'amour, ni avec l'aide, ni le soutien à la religion. Et ça, c'est pas permis. Par contre, tout ce qui est en rapport avec la religion, c'est pas permis. Tout ce qui est en rapport avec dunya, ça, c'est permis. L'ifadinu l'islam dinu karamin wa wafa'in la yajhadu al-ma'ruf. يجحد المعروف حتى ولو كان من الكفار بل يقابله بالمعروف والإحسان. Il a dit que la religion de l'islam, c'est une religion de nobleté, de noblesse et de loyauté qui ne nie pas la bienfaisance, même si ça vient des mécréants, même si ça vient des mécréants, et qui renvoie la bienfaisance par de la bienfaisance aussi et de la bonté. Dans le verset, il a dit « وَصَوَحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ وَتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرَجِعُكُمْ فَوْنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Il a dit, et suis le sentier de ceux qui se tournent vers moi ensuite et votre retour, et alors je me informerai de ce que vous faisiez. Al-mas'alatu as-salisa, kadhalika yajuzu lil-muslimin an yudaru al-kuffara idha khashiya al-muslimun min sharri al-kuffar fa innahum yudarunahum. Qala ta'ala, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ما يفعل ذلك فليس من الله من شيء. Sixième point que c'était cher, c'est la différence entre le mudara ou le mudahana. Le mudara, c'est le fait de donner quelque chose à nos créants pour se protéger de leur mal, alors que le mudahana, c'est le fait de faire compromis, de faire des compromis dans la religion et de délaisser des choses de la religion pour agréer les mécréants. Il a dit que c'est permis de faire le mudara. Il a dit que c'est permis pour les musulmans de faire le mudara, c'est-à-dire, comme on a dit, de leur donner des choses mondaines, si jamais on a peur de leur mal. Il a dit que c'est permis pour les musulmans de faire du mudara avec les mécréants, si on a peur de leur mal. Enfin, il a dit, c'est-à-dire qu'ils donnent quelque chose aux mécréants pour se protéger de eux. Ils utilisent des astuces et des solutions pour se protéger de leur mal, mais sans faire de compromis dans leur religion. Comme il cite un verset dans Sourate Al-Imran, il a dit que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger de eux. Donc le fait de se protéger de eux par un bien mondain, ça c'est permis. C'est ce qu'on appelle Al-Mudara. يعني الذي يتولى الكفار بالمحبة والمناصرة والمظاهرة فقد تبرأ الله منهم إلا أن تتقوا منهم تقاه فهي المدارة إذا خشى المسلم من شرهم فليس هذا من الموالاة بل هو من دفع ضرر عن المسلمين. نعم لذلك celui qui prend les mécréants comme alliés par amour et en les aidant ou les secourant, Allah s'est désavoué de eux. Il a dit, c'est-à-dire qu'il a contredit leur religion et qu'Allah s'est désavoué d'eux. Ça montre que c'est un grand péché. Ensuite, il a dit, illa an tattaqu minhum tuqa, sauf si vous faites ça pour vous protéger de eux, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger de eux. Il a dit, fahiya al-mudara, c'est ça qu'on appelle al-mudara. Si jamais les musulmans ont peur de leur mal, ça ne rentre pas dans l'alliance avec eux. C'est permis pour repousser leur mal. C'est ça qu'il a dit, cher. C'est que on se protège de eux et on repousse leur mal en leur donnant un peu d'argent pour repousser leur mal. C'est ce qu'on appelle le mudara. Ou ma yuriduna min umuri dunya, wa laysa hadha min al-mawalat aw min al-mawala, innama huwa min al-mudarati lidar'i shar'ihim, lidar'i shar'ihim. Il a dit que soit en donnant de l'argent, soit en leur donnant une chose parmi ceux qu'ils veulent, parmi les choses mondaines. Ça, c'est permis. Si c'est pour se protéger de leur mal et de eux. Il a dit que ça rentre pas dans le mouala, ça fait pas partie de l'alliance avec eux, mais c'est al-mudara. Comme c'est dans le verset, sauf si vous cherchez à vous protéger de eux, la sourate Al-Imran. Wattuqa wattaqiyya wal-mudara bima'na wahid. Il a dit que attuqa wattaqiyya wal-mudara, c'est le même sens. C'est le fait qu'on cherche à se protéger de eux. Et ça vient de attuqa, c'est connu dans la langue arabe. Attuqa wattaqiyya, ça vient de ittaqa. À la base, dans la langue arabe, ils disent ça quand une personne prend une protection contre une chose. Comme il disait, comme il dit Marine Case, تسد وتبدي من أسلمة التاقي بناذية من وحشي وجاءت موت فلي. C'est-à-dire qu'elle s'est protégée de nous avec son regard. Elle s'est protégée de nous avec son regard. Et une autre personne a dit aussi, parmi les poètes arabes, « Saqqat al-nasifu lam tulid isqatahu fanawalathu wattaqatna bil-yadi wattaqatna bil-yadi » C'est-à-dire qu'elle s'est protégée de nous avec sa main. Donc, « attaqa awittaqiyya » C'est le mudara, comme l'a dit le cheikh, c'est le même sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend quelque chose pour nous protéger de eux. Et comme l'a dit là le cher, c'est que on leur donne un intérêt mondain, soit de l'argent ou soit une chose qu'ils veulent parmi les choses mondaines, pour nous protéger de eux et nous protéger de leur mal. Non. Ensuite, il a dit بعض الناس لا يفرق بين المداهنة والمدارة. Il a dit que certaines personnes ne font pas la différence, entre eux, المداهنة et المدارة. Il a dit فالمدارة جائزة عند الضرورة لدفع شر الكفار. أما المداهنة فهي التنازل عن الشيء أو عن شيء من الدين لإرضاء الكفار فهذا أمر لا يجوز مطلقا. نعم. La différence c'est que المدارة c'est permis comme on a dit en cas de besoin pour repousser le mal des mécréants. Par contre المداهنة il a dit ça c'est le fait de faire des compromis, de délaisser les choses de la religion. Pourquoi? Pour agréer et satisfaire les mécréants, pour agréer et satisfaire les mécréants. Et ça, c'est pas permis du tout. Le cher dit que c'est pas permis du tout dans aucun cas. قال الله جل وعلا ولا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. Le verset Allah l'a dit, Azza wa Jal, sur une traduction rapprochée, et n'oublie pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Ils aimeraient bien que tu fasses des compromis, de sorte à ce qu'ils fassent comme toi. Donc, Allah subhanahu, lamma dhakara inzal al-Qur'an, afa bihada al-hadithi antum mulhinun, ay tatrukunahu min ajli irda al-kuffar, fahadi hiya al-mudahana. Dans notre verset, il a dit, dans le Sourate Waqi'a, est-ce de ce discours-là que vous traitez de mensonge? Le cheikh a dit que ça veut dire, est-ce que c'est ça que vous délaissez, ce discours-là que vous délaissez pour agréer les mécréants? Et ça, c'est le mudahana, comme l'a dit le cheikh, c'est que c'est de faire compromis, faire des compromis pour agréer et satisfaire les mécréants. Non, mais il a dit beaucoup de rouillés, annahu lamma, talab al-kuffar ou min al-nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et ya'boud Allah sanatan, wa rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, ya'boud aliyatahum sanatan, nahahu Allah an dalika, wa anzala qawlahu ta'ala, kul ya ayyuhal kafirun, la a'boud ma ta'boudun, wa la antum a'biduna ma a'boud. وَلَا أَنَا عَبِدُ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ. Il a dit qu'il était rapporté que lorsque les kuffars de Mecca, le Quraysh, ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il adore Allah une année, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il adore leur divinité une année. C'est-à-dire que eux ils adorent une année Allah avec lui, ensuite, une année, lui aussi, il adore leur divinité avec eux. Allah, il interdit ça. Il a révélé le verset, ou plutôt soit le kafirun, dit ô vous les croyants, je n'adore pas ce que vous adorez, ou je n'adore pas Allah comme vous vous l'adorez, et vous non plus vous n'adorez pas Allah comme je l'adore, et moi non plus je n'adorerai pas dans le futur ce que vous adorez, et je n'adorerai pas Allah comme vous l'adorez, et même que vous non plus vous n'adorerez pas Allah comme je l'adore, et vous n'adorerez pas ce que j'adore. لكم دينكم ولي دين. À vous votre fausse religion et à moi ma religion. فنهاه أن يجيبهم من ذلك أو يتنازل عن شيء من الدين من أجل إرضائهم. Il a dit qu'Allah عز وجل il a interdit au prophète sallam d'accepter ce qu'ils ont demandé ou de délaisser des points de religion et de faire des compromis pour les agréer, pour les satisfaire. Donc il a dit du coup c'est pas permis du tout. فلا يجوز التنازل عن الدين من أجل إرضاء الكفار مهما كلف الأمر. قال ابن كثير أي لا أعبد عبادتكم إنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تتعبدون بأوامر الله وشرعه في عبادته. نعم. Il a dit que c'est pas permis de délaisser des choses de l'argent pour agréer les mécréants et les satisfaire. Peu importe la situation, peu importe la situation. Ibn Kathir a dit dans son tafsir de ce verset que la abudu, ça veut dire que j'adore pas Allah comme vous vous l'adorez, mais je l'adore comme il l'agrée et qu'il l'aime. Voilà antum abiduna ma a'bud, c'est-à-dire que vous n'adorez pas Allah azawajal avec ses ordres et ses interdits et avec sa législation dans son adoration. Donc Allah subhanahu وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الأحسن للجي ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors, ils t'auraient pris comme ami intime, et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. C'est-à-dire que, yani, ils ont essayé de te égarer de ce qu'on t'a révélé pour que tu inventes des choses et tu nous les assimiles, ou plutôt tu les affilies à nous. Ensuite, ils t'auraient pris comme ami intime et comme ami proche. Et que si jamais on ne t'avait pas raffermi, tu aurais pu te pencher un peu et pencher un peu vers eux. Et là, du coup, tu aurais goûté à un châtiment double d'un dunya et d'un au-delà, dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Il a dit, alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort. Et ensuite, tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Il fallait ajouter mudahana tul kuffar bitanazuli an shay min din l'islam min ajli irdaihim. Il a dit, c'est pas permis de laisser des points de religion et de faire des compromis et de faire du mudahana, comme on a dit, pour agréer, satisfaire les mécréants. المداهنة لا تجوز مطلقا أما المداراة فإنها تجوز عند الضرورة رخصة من الله سبحانه وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقى. Donc il a dit que la mudahana n'est pas permis dans aucun cas, alors que la mudara, comme on a dit, le fait de se protéger de eux en ordonnant des biens mondains, c'est permis en cas de besoin et en cas de nécessité extrême. Ça, c'est une permission qui vient d'Allah Azza wa Jal, comme il dit dans le verset soit à Imran, sauf si vous cherchiez à vous protéger de eux. يدفعوا شرهم فيجب معرفة هذه المسائل. Ainsi, il a dit, le cher, qu'il faut absolument connaître ces points-là. فبعض الناس يتساهل في إشاعة الموالاة للكفار فيقول هذا من باب حسن التعامل وإظهار الإسلام لمظهر المسامح أنه ليس فيه كراهية أو بغضاء. Le cheikh a dit que il faut absolument connaître ces points-là parce que certaines personnes sont laxistes par rapport à ça et ils propagent l'alliance avec les mécréants et ils disent que ça rentre dans le bon comportement de l'islam et l'indulgence de l'islam et que dans l'islam il n'y a pas de dégoût ni de haine ni de animosité avec les mécréants. Le cheikh a dit هذا كلام باطل هذا كلام باطل. فالإسلام فيه كراهية ومحبة وفيه ولاء وبراء. Donc ça, c'est une parole qui est caduque, qui est fausse. Dans l'islam, il y a le fait d'aimer et de détester les mécréants, d'aimer les musulmans et de détester les mécréants. Et il y a l'alliance et des aveux. Donc il y a le fait d'aimer, le fait de détester, le fait de s'allier et de se désavouer. D'aimer les musulmans, aimer les musulmans et détester et haïr les mécréants, et s'allier avec les musulmans, et se désavouer des mécréants. Il a dit, voilà, ça dit, nous, muhabbatin faqat, kama yakulun. C'est pas une religion d'amour seulement, qu'on aime tout le monde, comme ils disent. Hada kalamun batalun, walislam dinun azizun qawiyun. Il a dit que la religion de l'islam, c'est une religion qui est puissante, et qui est forte. Wala tasamuha fihi ma'a kuffar, wala tanazula lahum fi shayn, min ad-din. هناك فريق يدعو إلى أن المسلمين لا يجاهدون الكفار ولا يقاتلونهم لأن الإسلام دين ورحمة لا قتال فيه. Il a dit que donc du coup il y a pas de indulgence avec les mécréants ou de compromis à faire avec les mécréants par rapport à la religion et qu'il y a d'autres parties des gens qui disent que les musulmans ne doivent pas combattre les mécréants, ils ne doivent pas non plus les combattre le jihad, parce que soi-disant l'islam c'est une religion de miséricorde, dans lequel il n'y a pas de combat ni de bataille. وهناك فريق آخر يتشدد فيعتبر تعاملا مع الكفار مطلقا موالاة ولا يفصل هذا التفصيل الذي ذكره الله في كتابه فينبغي معرفة الأمور وتنزيل الأحكام الشرعية في منازلها. On a dit qu'il y a une autre partie des musulmans qui sont des gens qui sont dans l'extrême, qui sont durs et qui voient que toute transactions et relations avec les mécréants, que c'est de l'alliance et que ça rend une alliance avec eux et que c'est pas permis du tout et qui font pas la différence comme elle fait la différence dans le Coran. Donc le cheikh a dit que c'est obligatoire de connaître ces choses là et d'utiliser les jugements de la législation de la religion comme il faut, d'utiliser les jugements de la législation comme il faut. ولا نخلط بين الحق والباطل ولا نقول إن الإسلام لا يتعامل مع الكفار لأنه دين غلظة ولا رحمة فيه فالإسلام فيه رحمة فيه غلظة et que on ne doit pas non plus mélanger ce qui est vrai ce qui est faux et on ne doit pas non plus dire que la religion des Sam c'est une religion qui ne fait pas de transactions ni de relations avec les mécréants parce que c'est une religion dans laquelle il doit avoir de la dureté et qu'il n'y a pas de miséricorde dedans. Le cheikh a dit que ça c'est faux. Dans la religion d'Islam, il y a de la miséricorde, il y a aussi de la dureté. Et chacun a sa place. Chacun a sa place. Il dit encore Ta'ala Ya ayyuha alladhina amanu, qatilu alladhina yalunakum min al-kuffari, wal yajidu fikum ghilza. Il a dit dans le verset où vous. Les croyants combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Voilà, subhanahu ya ayyuhal ladina amanu, mayyirtadda min kumandini, fasofa yadla bin kumin, yuhibbuhum yuhibbuna, addinadin ala al-mu'minina, a'izadin ala al-kafirina, yujahiduna fi sabi lillahi, wala yakhafuna l'aumata la'im. Dans notre verset, il a dit, ô vous les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qui l'aime et qui les aime, qui l'aime lui et qui l'aime eux, yani un peuple que lui il aime et un peuple que eux aussi ils aiment Allah. Modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants qui luttent dans le sentier d'Allah et ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. L'adversaire il a dit, c'est notre traduction rapprochée, Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. أي رحماء بالمسلمين لكن ليس معنى أن أشداء على الكفار أو فيهم غلظة عليهم أنهم لا يتعاملون معهم فيما باح الله أو أنهم لا يتزوجون من الكتابيات أو لا يبيعون معهم أو لا يشترون فليس هذا هو المطلوب. Il a dit que ça veut dire qu'ils sont miséricordieux entre eux, avec les musulmans, mais le fait qu'on dise qu'ils sont durs avec les mécréants ou qu'ils doivent utiliser la dureté avec eux, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de transactions, ni d'actions, ni de relations avec eux, parmi ceux qu'Allah il a rendu permis. Ça ne veut pas non plus dire qu'ils ne se marient pas avec eux, comme on a dit qu'il est gens du livre, ça ne veut pas non plus dire qu'ils ne font pas de transactions financières et qu'ils n'achètent pas de eux ou ne vendent pas avec eux. Ça, ce n'est pas ce qui est voulu. Ce n'est pas ce qui est voulu qu'on ait cher. Il dit « فَالْمَسَالِحُ الَّتِي يَحْتَاجُهَا الْمُسْلِمُونَ يَتَبَادَلُونَهَا مَعَ الْكُفَّارِ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ بِحَاجَةٍ إِلَيْهَا أَمَّا قَضِيَّةُ الدِّينِ فَلَيْسَ فِيهِ تَنَازُلٌ وَلَا فِيهِ تَسَامُحٌ مَعَ دِينِ الْكُفْرِ. Il a dit parce que ces bienfaits-là, les musulmans en ont besoin. Donc les intérêts et bénéfices dont les musulmans ont besoin, c'est permis pour eux d'en tirer profit avec les mécréants. Parce que les musulmans en ont besoin. Mais par contre, ce qui est en rapport avec la religion, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis par rapport à la religion. Il n'y a pas d'indulgence non plus par rapport à la religion des mécréants. فيجب أن يعرف هذا لأن هذه المسألة التبست على كثير من الناس. الشيخ a dit que ça c'est obligatoire de savoir ça et de connaître cette mas'ala là et ce point là, parce que beaucoup parmi les gens n'ont pas compris cette mas'ala là et ça a été confus pour eux. Il a dit لأن هذه المسألة التبست على كثير من الناس. C'était confus pour beaucoup de personnes. ما بين متساهل يدعو إلى أن الإسلام دين مسألة دائمة. وبين متشدد يرى أنه لا يجوز التعامل مع الكفار أو تعامل مع الكفار بأي طريقة. Il y a certaines personnes qui sont laxistes, qui voient que c'est toujours le même cas, ça change jamais. C'est la même situation, c'est permis dans tous les cas. Et d'autres qui sont durs, qui voient qu'ils ne sont pas permis, qu'il n'est pas permis du tout de faire des transactions, ni d'avoir des échanges avec les mécréants, bi'ayi tariqa, par aucune voie, Kila al-fariqayn mukhti wa jitani ala l'islam, Il a dit que les deux voies là, les deux groupes sont tous les deux dans l'erreur, et commettent un crime à l'islam, envers l'islam. فالواجب دراسة هذه الأمور ومعرفة الأحكام فيها لأن هذا الباب مهم جدا خصوصا في هذا الزمان والله أعلم. Ce qui est واجب obligatoire c'est d'étudier ces choses là, ces points là et de connaître les jugements qui sont liés avec ces points là, parce que cette bab là, ce chapitre là est très important, surtout dans l'époque dans laquelle on est, Ensuite il dit والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى الكورس فيني أسعد يسين شنون هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.